Venceslas succombe. Hortense, ayant appris l'infidélité de son mari, quitte son foyer et vient habiter avec sa mère. Dans une lettre qu'elle laisse à Venceslas, elle dit qu'elle ne se sent pas la force de vivre la vie qu'a menée sa mère. Le baron a perdu l'estime de ses enfants. Chassé de la rue Vanneau par Marneffe, qui n'a pu faire nommer chef de bureau, il donne un moment à sa famille l'illusion qu'il a renoncé à ses habitudes, mais il continue à rencontrer Valérie dans l'appartement de la rue du Dauphin, qui appartient à Crevel. Et un matin de juin, il y est surpris en flagrant délit d'adultère par un commissaire de police amené par Marneffe. Il doit faire à ce dernier toutes les promesses exigées. Pire encore, le commissaire lui démontre que Valérie était complice, et ceci marquera la fin de leur liaison. Beth, après la rupture du ménage Steinbock, a quitté la rue Vanneau. Lisbeth, en apparence brouillée avec Madame Marneffe, s'installa chez le maréchal Hulot. 10 jours après ces événements, on publia le premier ban du mariage de la vieille fille avec l'illustre vieillard à qui, pour obtenir un consentement, Adeline raconta la catastrophe financière arrivée à son Hector en le priant de ne jamais en parler au baron, qui, dit-elle, était sombre, très abattu, tout affaissé. « Hélas, il a son âge, » ajouta-t-elle. Lisbeth triomphait donc. Elle allait atteindre au but de son ambition. Elle allait voir son plan accompli, sa haine satisfaite. Elle jouissait par avance du bonheur de régner sur la famille qu'il avait si longtemps méprisée. Elle se promettait d'être la protectrice de ses protecteurs, l'ange sauveur qui ferait vivre la famille ruinée. Elle s'appelait elle-même Madame la Comtesse ou Madame la Maréchale, en se saluant dans la glace. Adeline et Hortense achèveraient leur jour dans la détresse, en combattant la misère, tandis que la cousine Beth, admise aux Tuileries, trônerait dans le monde.